France Musique. France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, venez. This is the proper. Voilà le décor approprié à la scène. Why, it's just an empty stage. Mais je ne vois qu'un plateau désert. À première vue, oui. Mais patientez. Un beau coucher de soleil. Des lumières vives dans un jardin. Nous ajoutons 500 000 kilowatts de poussière d'étoiles. Laurent Vallière, 42e rue. Come and meet those dancing feet. 42nd Street. Je déclare la 42e rue de France Musique ouverte. Bonjour à tous. Oui, durant un mois, la 42e rue installe ses micros à Broadway. Un mois pour vous raconter une saison dans l'antre de la comédie musicale. Et on démarre ce mois à Broadway par l'endroit le plus chaud de la saison. Devant le Richard Rogers Theatre, c'est 226 West 46e rue. Alors certains y plantent leur tente pour être le premier, le lendemain, dans la file d'annulation, si jamais il y avait une place encore de libre. D'autres paient plus radicalement jusqu'à 3 000 $ au marché noir. Tous veulent assister à la comédie musicale qui rend totalement hystérique et est devenue un phénomène culturel qui dépasse Broadway. Hamilton, la vie de l'un des fondateurs des États-Unis d'Amérique. Un spectacle qui se joue à guichet fermé jusqu'à fin de l'année. Les heureux spectateurs dans la file d'attente qui ont leur ticket, de tous âges, connaissent les chansons par cœur. I wanna be in the room where it happens, the room where it happens, the room where it happens. I wanna be in the room where it happens, the room where it happens. Hamilton, c'est la première comédie musicale du 21e siècle qui a amené la comédie musicale du 20e au 21e siècle en utilisant du hip-hop d'une façon qui n'a jamais été faite auparavant. How does a bastard orphan, son of a whore, and a Scotsman dropped in the middle of a forgotten fond the Caribbean by prophets of Apollo, wrist and follow? I can't remember all of it. I get a bit confused sometimes. Ce matin sur la 42e rue, on vous dit tout sur Hamilton. Now, how do you two work together? Oh, may I answer that? Please. How do we work together? Sure. He goes. And I go. And soon we're humming along. And that's called writing a song. Then he goes. And I go. And the phone goes ring. And he goes mutter, mutter, mutter, mutter. Yes, Jerome. Mutter, no, Jerome. Mutter, mutter, mutter, mutter. That's his lawyer, Jerome. Mutter, mutter, mutter, mutter, mutter. Do it, Jerome. Click sorry, Charlie. So I go. And he goes. And I go. And soon we're tapping away. Sorry, Charlie. It's the secretary. On the intercom. Yes, Miss Bzz. It's a messenger. Thanks, Miss Bzz. Will you tell him to wait? Will you order the car? Will you call at the bank? Will you wire the coast? Will you ring? Sorry, Charlie. Mutter, mutter, mutter, mutter. Sell the stock. Mutter, buy the rights. Mutter, mutter, mutter, mutter, mutter. Bzz. Let me put you on hold. Yes, Miss Bzz. It's the interview. Thanks, Miss Bzz. Will you tell him to wait? Will you wire the car? Will you order the coast? Will you send up the bank? And the telephones blink and the stocks get sold. And the rest of us, he keeps on hold. And he's into making movies. And he's now a corporation, right? So I play at home with my wife and kids. And I wait to hear the movie bids. And I've got a little sailboat. And I'm into meditation, right? He flies off to California. I discuss him with my shrink. That's the story of the way we work. Me and Franklin Shepherd, Inc. I'm surprised at how much I like this. I promise to be honest if you promise to handle the lawsuit. Now, when you do work together, I've been curious. Which generally comes first, Frank? The words or the music? Generally, the contract. That sounds like you think making money is a bad thing for an artist. Money? Did I say money? No, I like money a lot. I mean, it's better than not. But when it's money, money, when you're into money, and you should be. Listen, Frank does the money thing very well. But you know what? There are other people who do it better. And Frank does the music thing very well. And you know what? No one does it better. Still, the telephones blink and the buzzers buzz, and I really don't know what he does, but he makes a ton of money, and a lot of it for me. Right? So I think, okay, and I start a play, and he somehow knows, cause right away it's ring. Hiya, buddy, wanna write a show? Got a great idea, we'll own all the rights with a 2-week out and a turnaround on the guarantee, plus a gross percent of the billing clause, and there I am in California, talking deals and turning pink. Back in business, and I mean just that. Back with Franklin Shepherd, Inc. Very sneaky how it happens. Much more sneaky than you think. Start with nothing but a song to sing. Next year, Franklin Shepherd. Wait a second, wait. I'm getting in too deep here. Franklin, let me ask you. See, Frank and I are not that kind of close. Not like we used to be. And friendship is like a garden. You have to water it and tend it and care about it. And you know what? I miss it. And I want it back. Look. Nothing permanent has happened. Just a temporary kink. Friendship's something you don't really lose. Ladies and gentlemen, don't let me lose the greatest composer any lyricist ever had. Phone him. Write him. Stop him on the street. You'll recognize him. He's the one going through his checkbook. And tell that man to get back to his piano. Very sneaky how it happens. Every day you're on the brink. First the prizes, then the interviews. Oh my God, I think it's happened. Stop me quick before I sink. One more triumph that I can't refuse. In case you didn't notice, this is my first time on TV and my last. No, here's the point, whatever happens, then we'll all go have a drink. That's the guy I love, the fella who's inside. Mutter, mutter, mutter, mutter, quit your own, get the president. There's a crazy man on my TV screen. Inside. Ring. Inside. Franklin Shepherd. Just write in care of any bank, USA. Inc. Hoy me siento tan hermosa, tan graciosa, que puedo volar. Y no hay diosa en el mundo que me va a cansar. Hoy me siento encantadora, atrayente, atractiva, sin par. Y ahora ni una estrella me podrá opacar. Qué bonita atrás, qué bonita forma de ser. Qué radiante, luminosa. Veo el mundo con mucho color. Porque sé que un buen pastor tiene mi amor. Aquí está mi amiga María, la más loca de la ciudad. Quelques traces de Lin-Manuel Miranda pour ouvrir cette 42e rue. Lin-Manuel Miranda, l'auteur, compositeur, acteur de Hamilton. C'est à lui, par exemple, qu'en 2009, les créateurs de West Side Story ont fait appel pour faire chanter en portoricain Maria dans West Side Story et donner plus de réalisme à cette œuvre lorsqu'elle fut reprise à Broadway. Lin-Manuel Miranda est né dans une famille portoricaine et puis c'était lui, au début de cette 42e rue, qui incarnait Charley dans la comédie musicale de Stephen Sondheim, Merrily We Roll Along, recréée le temps de quelques jours au New York City Center en 2011. Il incarnait un auteur parolier de chansons. Lin-Manuel Miranda, qui a fait la une de Time Magazine, consacrée aux 100 personnalités les plus influentes. Lin-Manuel Miranda, qui a reçu un prix Pulitzer pour Hamilton. Il incarne chaque soir le rôle-titre dans cette comédie musicale. Mais ce fils d'immigré portoricain a aussi écrit et composé la comédie musicale Hamilton. Alors voilà. On fait comme si on y était là, dans la salle du Richard Rogers Theater, à la fin de Hamilton, la comédie musicale, une salle en délire. Ce matin, je vous propose de découvrir ce phénomène, cet événement, tout d'abord avec celui qui dirige l'orchestre chaque soir dans la fosse, son directeur musical, Alex Lacamoire. Comment vous décririez cette comédie musicale Hamilton, Alex Lacamoire ? Hamilton, c'est une comédie musicale qui raconte l'histoire d'Alexander Hamilton, l'un des pères fondateurs des États-Unis. Hamilton est un immigré. En fait, c'est un sujet britannique né sur l'île antillaise de Nieves et est arrivé aux États-Unis par ses propres moyens. Et grâce à son écriture brillante et son don d'écriture, il a écrit et a atteint la grandeur. Il est devenu le bras droit de Washington pendant la guerre, puis il faisait partie du cabinet de Washington, premier secrétaire au Trésor des États-Unis. Et donc cette comédie musicale, par la chanson et sans dialogue, est en fait une sorte d'opéra qui utilise le hip-hop comme épine dorsale pour raconter l'histoire extraordinaire de Hamilton. Depuis quand travaillez-vous aux côtés de l'auteur Lin-Manuel Miranda sur cette comédie musicale ? Depuis le début du projet. Du reste, Lin-Manuel est arrivé dans ma loge. Un jour, on était en train de jouer In the Heights. Il est venu me solliciter. Et la première chanson, c'est sur Alexander Hamilton. Il m'a montré les premiers accords. Et puis lui, il a fait du rap à ce moment-là. Et puis, la première fois que j'ai entendu parler de ce concept, je ne savais pas s'il fallait prendre ça au premier degré ou si c'était une blague. Puis il a écrit et écrit et je me suis bien rendu compte qu'il était très sérieux. Et la deuxième chanson, My Shot, là, ça a été une révélation. Je me dis, mais c'est une épopée, c'est formidable, c'est bourré de sens, il y a un message incroyable. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était très bien structuré. Comment elle s'appelle, la première chanson qu'il vous a montrée au piano ? Eh bien, le premier morceau, c'est Alexander Hamilton. C'est la chanson qu'on a jouée à la Maison Blanche en 2009 pour le président Obama. Orphan, son of a whore and a Scotsman, dropped in the middle of a forgotten spot in the Caribbean by providence, impoverished and squalor, grew up to be a hero and a scholar. I'm the music director and I can't do it right. Ah, je me trompe, je suis directeur musical et je me trompe. What's your name, man? Alexander Hamilton. My name is Alexander Hamilton. And there's a million things I haven't done. But just you wait, just you wait. When he was 10, his father slid full of it, debt-ridden. 2 years later, see Alex and his mother bedridden, half dead, sitting in their own sick, the scent thick, and Alex got better, but his mother went quick. How does a bastard, orphan, son of a whore and a Scotsman, dropped in the middle of a forgotten spot in the Caribbean by providence, impoverished and squalor, grow up to be a hero and a scholar? The $10 founding father without a father got a lot farther by working a lot harder, by being a lot smarter, by being a self-starter. By 14, they placed him in charge of a trading charter. And every day while slaves were being slaughtered and carted away across the waves, he struggled and kept his guard up. Inside, he was longing for something to be a part of. The brother was ready to beg, steal, borrow, or barter. Then a hurricane came and devastation rained on man. Saw his future drip, dripping down the drain. Put a pencil to his temple, connected it to his brain. And he wrote his first refrain, a testament to his pain. Well, the word got around, they said this kid is insane, man. Took up a collection just to send him to the mainland. Get your education, don't forget from whence you came. And the world's gonna know your name. What's your name, man? Alexander Hamilton. My name is Alexander Hamilton. And there's a million things I haven't done. But just you wait, just you wait. When he was 10, his father split, full of it, debt-ridden. 2 years later, see Alex and his mother bedridden, half-dead, sitting in their own sick, the scent thick. And Alex got better, but his mother went quick. Moving with a cousin, my cousin committed suicide. Left him with nothing but ruined pride. Something new inside a boy saying, Alex, you gotta fend for yourself. He started retreating and reading every treatise on the shelf. There would have been nothing left to do for someone less astute. He would have been dead or destitute without a cent or restitution. Started working, clerking for his late mother's landlord. Trading sugar, cane and rum and all the things he can't afford. Skimming for can't get his hands on. Planning for the future, see him now as he stands on the bow of a ship, headed for a new land. In New York, you can be a new man. In New York, you can just be a new man. In New York, you can just be a new man. New York, you can be a new man. New York, New York, just you. Died for him. Me, I trusted him. Me, I loved him. And me, I'm the damn fool that shot him. There's a million things I haven't done, but just you wait. What's your name, man? Alexander Hamilton. Tous réunis dans cette première chanson prête serment quasiment à Alexander Hamilton, sauf le dernier, Aaron Burr, qui est très explicite. Moi, je l'ai tué. C'est la première chanson d'Hamilton avec Lafayette, Aaron Burr, tous les personnages en costume dans cette comédie musicale qui parle donc, dans cette première chanson, du personnage principal, Alexander Hamilton, avant qu'il n'entre en scène. Et autant vous dire que quand Hamilton, joué par Lin-Manuel Miranda, entre sur la scène du Richard Rogers Theater, le public est en délire. Alors, on a rencontré à Broadway Alex Lacamoire, le directeur musical d'Hamilton, et je lui ai demandé tout simplement à son avis pourquoi ce spectacle rencontre ce succès, pourquoi et qu'est-ce que ce spectacle a de si spécial. Eh bien, tout d'abord, la musique, c'est du hip-hop, utilisé pour raconter l'histoire, et l'utilisation du hip-hop est particulièrement fluide. C'est très rare d'entendre du hip-hop à Broadway, c'est assez rare, et c'est couronné de succès, et ça, c'est formidable, et c'est évidemment dû à notre créateur génial, Lin-Manuel Miranda. Par ailleurs, l'histoire est racontée par une équipe multiraciale. Voici l'histoire de la fondation des États-Unis, racontée généralement par des Blancs. Et là, vous avez George Washington qui est afro-américain, Eliza Hamilton, elle est asiatique, il y a un portoricain qui joue le rôle d'Alexander Hamilton. Donc, nous voulions raconter l'histoire de l'Amérique avec le contexte actuel. Vous voyez, c'est un petit peu rétro. rétro-futuriste ou rétro-actuel. Et donc, c'est tout à fait accessible. C'est merveilleux de voir des gens de contextes ethniques divers raconter l'histoire de l'Amérique. Ils font partie du mouvement historique des États-Unis. C'est une question d'inclusion. Et c'est formidable que le théâtre et la comédie musicale en particulier puissent faire cela. In the Heights a eu un impact très important aussi. On se sent représenté, on a un sentiment de fierté. C'est une des raisons du succès de Hamilton. La partition n'est pas entièrement hip-hop. Comment on pourrait décrire le style musical d'Hamilton ? Grosse influence du hip-hop, mais il y a aussi du R&B. Il y a une chanson en Britpop, chantée par le roi George, dans le style des Beatles. Il y a de la musique des îles aussi. Ça, c'est à la fin du premier acte. Il y a du trap, un type de hip-hop. Donc, il y a de la musique d'orchestre de chambre aussi, c'est magnifique, aussi de la musique traditionnelle, des ballades, il y a tout dans Hamilton, c'est formidable. Vraiment de la musique d'orchestre de chambre, à quel moment ? Il y a une chanson qui s'appelle The Farmer Reviewed It. Ça commence par un clavecin très baroque, influencé par Bach, c'est en 6-8. C'est quelqu'un qui est un loyaliste, qui défend la couronne britannique et qui explique ce qui se passe. Il y a la révolution qui est en cours et il dit que vous devriez avoir honte de mener cette révolution. Et il représente la couronne britannique et on se dit que cette musique est tout à fait appropriée. C'est une musique très contente d'elle-même, très fière, un peu rigide, si vous voulez. My name is Samuel Seabury and I present free thoughts on the proceedings of the Continental Congress. Heed not the rabble who scream revolution. They have not your interest at heart. Oh my God, tear this dude apart. Chaos and bloodshed are not a solution. Don't let them lead you astray. This Congress does not speak for me. Let him be. They're playing a dangerous game. I pray the king shows you his mercy. For shame, for shame. Yeah. He'd have you all unravel at the sound of screams. But the revolution's coming. They have not your interest at heart. Want to listen to you with a straight face. Chaos and bloodshed already haunt us. A solution and even talk. Don't and what about Boston? Look at the cost and all that we've lost. And you talk this about Congress does not speak for my me. My dog speaks more eloquently. Dangerous stream. Your mange is I the pray same. The king shows you his mercy. Is he in Jersey? For shame. For the revolution. For shame. For the revolution. Don't repeat yourself again. I'm gonna scream. Scream. Honestly, look at me. Please don't read. Not your interest. Don't modulate the key, then not debate with me. Why should a tiny island across the sea regulate the price of tea? Alexander, please. Burr, I'd rather be divisive than indecisive. Drop the niceties. Silence! A message from the king. A message from the king. A message from the king. You say the price of my love is not a price that you're willing to pay. You cry in your tea, which you hurl in the sea when you see me go by. Why so sad? Remember we made an arrangement when you went away. Now you're making me mad. Remember, despite our estrangement, I'm your man. You'll be back soon, you'll see. You remember you belong to me. You'll be back, time will tell. You remember that I served you well. Oceans rise, empires fall. We have seen each other through it all. And when push comes to shove, I will send a fully armed battalion to remind you of my love. Da da da da da da da da. subject, 'cause you're my favorite subject, my sweet submissive subject, my loyal royal subject, forever and ever. Like before, I will fight the fight and win the war. For your love, for your praise, and I'll love you till my dying days. When you're gone, I'll go mad, so don't throw away this thing we had. 'Cause when push comes to shove, I will kill your friends and family to remind you of my love. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Le nouveau continent qui rappe est l'ancien continent à base de musique de chambre et à l'instant de musique Britpop, très Beatles. C'était la chanson du roi d'Angleterre, très paternaliste dans Hamilton. Il traite, voilà, ces sujets en leur disant de toute façon vous êtes partis aux États-Unis mais vous reviendrez. C'est le titre de cette chanson, You'll Be Back, avec dans le rôle du roi d'Angleterre, Jonathan Groff. Laurent Vallière, 42e rue. France Musique. J'ai un cadeau un peu spécial ce matin pour tous les fans de Broadway et tous les auditeurs de France Musique. Je suis revenu de Broadway avec en main 5 exemplaires du Playbill. Vous savez, Playbill, c'est la revue gratuite que chaque spectateur reçoit lorsqu'il va voir un théâtre, et c'est toujours aux couleurs d'un spectacle. Eh bien, j'ai 5 exemplaires de Playbill aux couleurs de Hamilton que vous pourrez exhiber chez vous comme si vous étiez allé pour de vrai au Richard Rogers Theater. Et même si c'est, je sais bien, aujourd'hui complètement impossible d'aller voir le spectacle, sauf si l'on débourse $3000. Alors pour le recevoir, ce Playbill, il suffit de m'envoyer un mail. Vous allez sur la page de la 42e rue sur francemusique.fr. Vous cliquez sur l'onglet contact et vous n'oubliez pas bien sûr de mettre votre adresse pour qu'on puisse vous l'envoyer, ce Playbill, sous une belle enveloppe. Résultat à la fin de la 42e rue. Nous sommes ce matin donc avec le directeur musical qui est chaque soir le chef d'orchestre de Hamilton. Je lui ai demandé tout simplement comment elle était née cette comédie musicale et pourquoi raconter l'histoire d'Alexander Hamilton en hip-hop. Lin-Manuel est tombé par hasard sur la biographie d'Alexander Hamilton en 2009 et il y a trouvé une source d'inspiration. Il a commencé à y voir un parallèle entre le hip-hop et Alexander Hamilton. Lin-Manuel explique que Alexander Hamilton utilise son don d'écriture pour arriver à la grandeur. Il a un tel talent qui est reconnu et les gens, son entourage, les gens de son village ont rassemblé des fonds pour le promouvoir. Et évidemment, dans le hip-hop, c'est la même chose. Ce sont des gens qui viennent de quartiers défavorisés. Ils écrivent et ils s'expriment par la voix de la musique pour arriver à la renommée. Donc, petit à petit, il a commencé à écrire de la musique pour la comédie musicale et il voulait que ça soit un petit peu comme un album concept, un petit peu comme Jésus-Christ Superstar. De même que Evita, par exemple. Donc, Lin-Manuel voulait écrire ce concept album sur Alexander Hamilton et puis grâce à Tommy Kay, il s'est rendu compte qu'il pouvait faire une comédie musicale. À un moment, on a essayé de faire une comédie musicale un peu plus traditionnelle avec des dialogues entre les chansons. Puis on s'est rendu compte qu'en fait, lorsqu'on est plongé dans la chanson en permanence, c'est plus amusant, c'est plus divertissant et ça hisse le niveau artistique et on ressent la magie du temps qui passe soit très vite, soit très lentement. Et on a plus de liberté lorsque l'on s'exprime uniquement par la musique et la chanson. Les styles correspondent à chaque personnage. Il n'y a pas une seule voix. Lorsque Thomas Jefferson entre dans la pièce, eh bien lui, il a une musique vieille école, un peu comme du jazz, parce que Jefferson était un des pères fondateurs un peu plus anciens, d'une autre génération. En fait, il était en France lorsque la Révolution a eu lieu, donc il était un petit peu éloigné de tout cela. Et lorsqu'il arrive, il est un petit peu plus traditionnel dans son style musical. Évidemment, c'est un précurseur de ce qui est devenu le hip-hop. Donc ça, c'est un choix qui a été alimenté par le récit. 1789. How does the bastard, orphan, immigrant, decorated war vet unite the colonies through more debt? Fight the other founding fathers till he has to forfeit. Have it all, lose it all. You ready for more yet? Treasury secretary, Washington's the president. Every American experiment sets a precedent. Not so fast, someone came along to resist him. Pissed him off until we had a two-party system. You haven't met him yet, you haven't had the chance. Cause he's been kicking ass as the ambassador to France. But someone's gotta keep the American can't promise, you simply must meet Thomas, Thomas. Quo. But the sun comes up and the world still spins. I helped Lafayette draft a declaration. Then I said I gotta go. I gotta be in Monticello. Now the work at home begins. So what did I miss? What did I miss? Virginia, my home sweet home, I wanna give you a kiss. I basically missed the late 80s. I traveled the wide, wide world and came back to this. There's a letter on my desk from the president. Haven't even put my bag down yet. Sally BLM, darling, won't you open it? It says the president's assembling a cabinet. And then I end up being the Secretary of State. Great, and I'm already standing approved. I just got home and now I'm headed up to New York. The rolling fields, I can't believe that we are free. Ready to face whatever's awaiting me in NYC. But who's waiting for me when I step in the place? My friend James Madison, red in the face. He grabs my arm and I respond, what's going on? Thomas, we are engaged in a battle for our nation's very soul. Can you get us out of the mess we're in? Hamilton's new financial plan is nothing less than government control. I've been fighting for the South alone. Where have you been? France. We have to win. Well, what did I miss? What did I miss? What did I miss? Think of something to say. I'm already on my way to get to the bottom of this. What did I miss? Mr. Jefferson, welcome home. Mr. Jefferson, Alexander Hamilton. Mr. Jefferson, welcome home. Mr. Jefferson, welcome home, sir. You've been off in Paris for so long. So what did I miss? Un boogie-woogie dans Hamilton pour le personnage hurluberlu de Thomas Jefferson qui rentre avec ses valises d'Europe. C'est comme s'il descendait d'une passerelle anachronique d'avion lorsque vous le voyez sur scène. Et il chante évidemment « Qu'est-ce que j'ai raté aux États-Unis pendant que j'étais pas là ?» Un rôle incarné par l'acteur noir David Diggs qui interprète aussi dans le premier acte, figurez-vous, le général français Lafayette. Eh oui, oui, mon ami, je m'appelle Lafayette. The Lancelot of the revolutionary set. I came from afar just to say bonsoir to the king, cause it's toi, who is the best, c'est moi. David Dix, qui est nommé au Tony Awards parmi les meilleurs acteurs de la saison de comédie musicale, bien parti pour le remporter. Je l'ai rencontré en New York et je lui ai demandé quelles recherches il avait effectuées sur le personnage de Lafayette. Yeah, yeah. I read a lot of, you know, what my favorite thing. J'ai beaucoup lu. Lafayette were letters back J'ai and forth between lu him la and correspondance Thomas entre Lafayette et George Washington. Et George Washington. Et ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai lu un ouvrage qui était plein de lettres entre Lafayette et Washington. Ils s'appréciaient beaucoup. Lafayette pensait que Washington était un personnage paternel. Lafayette, c'était le fils que Washington n'a jamais eu. Lafayette, lorsqu'il a été arrêté, a envoyé ses enfants pour que Washington s'en occupe. Et j'ai lu plein de choses et c'était très utile pour moi parce qu'on peut ressentir la tendresse qu'avait Lafayette, bien qu'il ait été obsédé par la postérité de la Révolution et ainsi de suite. Mais c'était un homme particulièrement bon, gentil. Et c'est ça que j'ai voulu rendre dans ce personnage aussi. Donc une espèce de tendresse, une gentillesse, et ça le différencie de Jefferson. Et votre accent est pas mal non plus. Hein. Comment vous avez appris à parler français? Oh man, I appreciate that. I always say it's great as long as there's no French people. Je parle français convenablement, à condition qu'il n'y ait pas de français dans la pièce. But yeah, I've spent, non, sinon, j'ai fait pas mal de dates avec mon groupe rap en France. Donc, j'essaye de parler de la même façon que les rappeurs français parlent anglais. All right, gentlemen, let's get on with it. Which of us will write our Declaration of Independence? Mr. Adams, I say you should write it. To your legal mind and brilliance we defer. Is that so? Well, if I'm the one to do it, they'll run their quill pens through it. I'm obnoxious and disliked, you know that, sir. Yes, I know. But I say you should write it, Franklin. Yes, you. Hell no. Yes, you, Dr. Franklin. You. But, Mr. Adams, but, Mr. Adams, the things I write are only light extemporanea. I won't put politics on paper, it's a mania. So I refuse to use the pen in Pennsylvania. Pennsylvania, Pennsylvania. Mr. Sherman, I say you should write it. You are never controversial, as it were. That is true. Whereas if I'm the one to do it, they'll run their quill pens through it. I'm obnoxious and disliked, you know that, sir. Yes, I do. Then I say you should write it, Roger. Yes, you. Good heavens, no. Yes, you, Roger Sherman. You, but, you, but, you. But, Mr. Adams, but, Mr. Adams, I cannot write with any style of proper etiquette. I don't know a participle from a predicate. I am just a simple cobbler from Connecticut. Connecticut, Connecticut, a simple cobbler me. Mr. Livingston, maybe you should write it. You have many friends and you're a diplomat. Oh, that word. Whereas if I'm the one to do it, they'll run their quill pens through it. He's obnoxious and disliked. Did you know that? I hadn't heard. So I say you should write it, Robert. Yes, you. Not me, Johnny. Yes, you, Robert Livingston. You. But. You. But. You. But. Mr. Adams, dear Mr. Adams, I've been presented with a new son by the noble stork. So I am going home to celebrate and pop the cork with all the Livingstons together back in old New York. New York, New York, Livingston is going to pop a cork. Hamilton n'est pas la première comédie musicale qui raconte l'histoire de la fondation des États-Unis. C'était une autre version, c'était dans les années 60, une comédie musicale intitulée 1776, composée par Sherman Edwards, et vous l'entendez, une autre façon de faire chanter Thomas Jefferson et Benjamin Franklin dans un style un peu plus traditionnel. On revient à Hamilton, Thomas Cale est le metteur en scène de cette comédie musicale événement qui affiche complet à New York. Lui aussi travaille sur ce spectacle depuis le début. Depuis combien de temps travaillez-vous exactement dessus et combien de temps il a fallu pour créer ce spectacle ? Il a fallu beaucoup de temps, on a travaillé sur le projet pendant 6 ans et on a procédé par étapes, une chanson après l'autre. On a travaillé de façon rigoureuse. Lin-Manuel et moi, nous avons travaillé tous les deux au début, puis on a fait venir d'autres et avec... La façon dont ça se fait, il y a eu le soutien du théâtre, de Jeffrey Sellers, Andy, et ainsi de suite. 6 ans et demi. En tant que metteur en scène, comment vous avez conçu le spectacle ? C'est quasiment cinématographique. On a essayé de créer quelque chose qui aurait sa place sur scène, tout en prenant le plus d'éléments possibles de la culture pop. Donc, lorsqu'il y a l'apogée, c'est un petit peu comme la balle qui part du flingue dans Matrix. Donc, on s'est inspiré de différentes choses, dont le cinéma, et on a essayé d'y mettre notre propre voix. Comment vous expliquez le succès d'Hamilton ? Lin-Manuel a écrit de façon très honnête, sincère, et nous avons essayé de créer quelque chose qui porte... sur un sujet accessible au plus grand nombre, et les gens se sentent représentés sur scène. Monsieur le docteur, what was your greatest invention? Oui, monsieur, what was it? Tell us about it, grandfather. Well, Benny, one dark night, a rainy one, accounts for some lightning and thunder. I was puttering in my laboratory for an idea, a new and a brainy one. Now, what did the world really need? What contraption for use and for free? Well, I made a working model the following day, and I called it the public me. Oh, tell us a little more about it. The left hand's a poker for stirring up trouble. The right hand's a pipe for blowing a bubble. The neck is made of curtain rods. It certainly never bends. True. Temple, I invented myself out of odds and ends. Continue, monsieur. One foot is a ramrod for ramming a door down. One foot is a rock for holding the floor down. The fingers, they are feathers, fit to tickle the other sex. Oh, Monsieur Franklin. I invented myself out of bits and specks. But the damn thing works, the damn thing works, though it's not plumb true or level. Though it don't quite fit, though it ain't well knit, the damn thing works like the devil. The liver's a barrel of brandy in one sense. The lungs are two bags of good sense and nonsense. I made the skin it's wrapped in from the hide of a grizzly bear. I invented myself out of thin blue air. But the damn thing works. It does. The damn thing works, though it's not on true or level. Though it don't quite fit, though it ain't well knit. The damn thing works like the devil. Here, here. The liver's a barrel of brandy in one sense. The lungs are two bags of good sense and nonsense. He made the skin extracted from the hide of a grizzly bear. I invented myself. He invented himself. Odds and ends and bits and specks. Fit to tickle the other sex. Out of this blue. Une autre comédie musicale des années 60 qui parle de la fondation des États-Unis, c'était en 64 avec Robert Preston dans le rôle de Benjamin Franklin en escale à Paris, un spectacle intitulé Ben Franklin in Paris. On parle d'Hamilton, la comédie musicale événement, actuellement à l'affiche à Broadway. Son maître d'ouvrage, on en a parlé, c'est un génie de 36 ans, Lin-Manuel Miranda. Il est auteur, compositeur. Il incarne chaque soir sur scène le rôle-titre d'Alexander Hamilton. Il a fait la une de Time Magazine consacrée aux 100 personnalités qui comptent. C'était le mois dernier. Il a reçu pour Hamilton le prix Pulitzer, un Grammy Awards. Et c'est donc lui qui a composé et écrit toutes les chansons. Alors son processus créatif, eh bien, il réalise d'abord des maquettes de chansons et ensuite il les donne au directeur musical Alex Lacamoire qui doit tout orchestrer pour les 26 acteurs de la troupe et les instruments de l'orchestre. En tout, ça a demandé à Alex Lacamoire 8 mois de travail. J'ai demandé à ce directeur musical, eh bien, quelle chanson lui avait demandé le plus de travail. Il m'a répondu que c'était la chanson où apparaissent les sœurs Scholars. C'est un peu le côté romantique de l'histoire, hein. Elles apparaissent au détour d'un bal et Hamilton choisira l'une d'elles pour épouse. Mais la première fois que ces trois sœurs apparaissent, c'est au détour d'une chanson qui sonne un peu comme du Beyoncé ou du Destiny's Child. Pourquoi cette chanson vous a demandé le plus de travail, Alex Lacamoire? Eh bien, c'est un morceau qui a subi de nombreuses modifications. La première fois que j'en ai fait l'orchestration, ça sonnait comme quelque chose de très cool, de R&B. C'était un petit peu comme Daft Punk. Tiens, voilà l'influence, puisque vous êtes français. Ça sonnait un peu comme ça. Daft Punk, Pharrell, voyez. Et off-Broadway, le directeur lui a dit que la chanson sonnait pas bien. C'était pas suffisamment ma voix, ma façon d'orchestrer les choses. Donc on a repris le morceau et puis on était inspiré par Beyoncé et Destiny's Child parce que les trois sœurs qui chantent la chanson travaillaient en chœur, chantaient en tierce et en quinte hors répétition. Donc elles s'amusaient à faire ça et on s'est rendu compte que les gens faisaient évidemment référence à Destiny's Child, ils voyaient un parallèle. Et à nous, on essayait de faire notre mieux pour que ça sonne comme ça. Donc moi, j'ai donc écouté beaucoup de ces morceaux, Bootylicious par exemple, et la façon dont cette musique a été faite, et on a voulu que les filles Scholars chantent comme cela. C'est beaucoup plus chouette, plus amusant. Dans l'intro, c'est plus naturel, il y a plus de chants en chœur et ainsi de suite. Et c'est ce morceau-là qui a subi le plus de modifications, d'où le travail important. Rich folks love more than going downtown and slumming it with the poor. They pull up in their carriages and gawk at the students in the common just to watch them talk. Take Philip Schuyler, the man is loaded. Uh-oh, but little does he know that his daughters, Peggy, Angelica, Eliza, sneak into the city just to watch all the guys. Work, work. Angelica. Work, work. Eliza. And Peggy. Work, work. The Schuyler sisters. Angelica. Peggy. Eliza. Work. Daddy said to be home by sundown. Daddy doesn't need to know. Daddy said not to go downtown. Like I said, you're free to go. But look around, look around. The revolution's happening in New York. New York. Angelica, work. It's bad enough Daddy wants to go to war. People shouting in the square. It's bad enough there'll be violence on our shore. New ideas in the air. Look around, look around. I'm looking for a mind at work. I'm looking for a mind at work. I'm looking for a mind at work. Whoa, whoa, whoa, whoa, work. Ooh, there's nothing like summer in the city. Someone in a rush next to someone looking pretty. Excuse me, miss, I know it's not funny, but your perfume smells like your daddy's got money. While you're slumming in the city in your fancy heels, you're searching for an urchin who can give you ideals. Sir, you disgust me. Ah, so you disgust me. I'm a trust fund baby, you can trust me. I've been reading Common Sense by Thomas Paine. So men say that I'm intense or I'm insane. You want a revolution, I want a revelation. So listen to my declaration. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. And when I meet Thomas Jefferson, I'ma compel him to include women in the sequel. Work! Look around, look around. How lucky we are to be alive right now. Look around, look around. How lucky we are to be alive. In the greatest city in the world. Cause I'm the ground, coming from the Thomas Paine. The Schuyler Sisters, un extrait de Hamilton, la comédie musicale actuellement à l'affiche à Broadway. On était à la sortie du Richard Rogers Theater sur la 46e rue pour savoir ce qu'en pensaient les spectateurs. Oh, it earned its reputation. It's wonderful. Ah, c'est tout à fait à la hauteur de sa réputation. C'est merveilleux. Fantastique. American history and ties it right into today. L'histoire américaine dans le contexte actuel avec un style moderne. Les problématiques sont encore d'actualité. Centralisation du pouvoir, pouvoir des États, les coups de poignard dans le dos, les mêmes problèmes qu'aujourd'hui, mais avec des costumes d'époque. Alex Lacamoire, vous qui êtes chaque soir dans la fosse pour diriger l'orchestre d'Hamilton depuis un an, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'Hamilton devient le spectacle à voir et même un phénomène social aux États-Unis ? One of the things that I'm most amazed about with Hamilton is that moi, ce qui me surprend le plus, c'est que les gens qui ne s'intéressent guère à Broadway, eh bien, s'y intéressent. Et surtout les jeunes, les gamins. Il y a plein de gamins de 4 ans qui font du rap, qui adorent Hamilton. On voit ça sur Facebook. C'est incroyable. Les gens sont happés. Ils ont cette prise de conscience par rapport à l'histoire américaine. C'est formidable. Dès leur plus jeune âge. Et au-delà de Broadway, je crois que le spectacle est vraiment bien conçu, c'est très astucieux. Il y a du hip-hop pour raconter l'histoire de l'Amérique. Et donc, ça engage les gens. Et ils n'auraient pas pu appréhender l'histoire américaine sans ça, à mon avis. Broadway, parfois, c'est connu pour être trop plein de paillettes et ainsi de suite. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, avec Hamilton, les gens voient quelque chose qui peut les intéresser. Et c'est une nouvelle façon d'appréhender la comédie musicale. Merci beaucoup. Merci à toi. Was found and pronounced at the scene. She was already lying in bed. The paramedics said that her heart gave out. I mean, that's basically what they said. They said a combination of the stress and the heat. Why she never took her medicine, I'll never understand. I like to think she went out in peace with pieces of breadcrumbs in her hand. Abuela Claudia had simple pleasures. She sang the praises of things we ignore. Glass Coke bottles, breadcrumbs, a sky full of stars. She cherished these things. She'd say, Alabanza. Alabanza means to raise this thing to God's face and to sing, quite literally, praise to this. When she was here, the path was clear. And she was just here. She was just here. Alabanza, alabanza, Doña Claudia, Señor, alabanza, alabanza, alabanza, alabanza, Doña Claudia, Señor, alabanza, alabanza, alabanza, alabanza, Doña Claudia, Señor, alabanza, alabanza, alabanza, alabanza, Doña Claudia, Señor, alabanza. Alabanza, alabanza, alabanza, Doña Claudia, Señor, alabanza. Alabanza, alabanza, alabanza, Doña Claudia, Señor, alabanza. À la Bonza, cet extrait de la toute première comédie musicale de Lin-Manuel Miranda, il avait 19 ans, c'est 15 ans avant Hamilton. Il a écrit à vrai dire à la fac et ça a transféré à Broadway avec un énorme succès en 2007. Une histoire située dans le quartier hispanique de Washington Heights où a grandi Lin-Manuel Miranda. On se quitte au bar, si vous voulez bien, au bar de New York, le Mary's Crisis, où bien sûr, autour d'un pianiste, on chante quoi ? En karaoké, je me donne dans le mime, Hamilton et la chanson du roi d'Angleterre, très Beatles. Bravo à ceux qui nous ont écrit, et pour recevoir un exemplaire de Playbill, et qui viennent d'être tirés au sort, bravo à Patrick à Bordeaux, à Nuno à Paris, Jean-Pierre à Marseille, Peggy à Mortagne, au Perche, et bravo à Eliane au Herbier, on vous enverra ça cette semaine. Plus d'infos, comme d'habitude, la programmation musicale de l'émission, vous retrouverez ça sur la page de 42e rue sur francemusique.fr, ainsi que l'actualité en quelques mots cette semaine, le festival Fringe qui démarre à Paris avec plusieurs comédies musicales à l'affiche. Un concert autour de l'œuvre de Petula Clark demain soir au Théâtre du Châtelet. Et puis la jazzman et amateur de comédie musicale Lucy Dixon qui sera tout à l'heure en concert gratuit à 15h au Festival Jazz de Saint-Germain-des-Prés. Merci à Martine Moni, Marion Guillemet, Cécile Gissot et Perrine Mingui qui étaient autour de moi ce matin sur la 42e rue. On se retrouve la semaine prochaine toujours à Broadway. Je rencontrerai pour vous celui qui recevra le 12 juin un Tony Award d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. On lui doit notamment les paroles d'un violon sur le toit. Il se nomme Sheldon Harnick. Rideau.